les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marco au microphone et Jean-Philippe Boisbriand fait tout le reste et aussi le blog échangeur.blogspot.com. Et si vous allez cliquer sur l'image, vous aurez l'histoire des dames qui sont représentées, les premières programmatrices. Aujourd'hui, une émission avec des barbus aux cheveux longs. Ensuite, il y a des femmes en électronique, musique électronique, et on continue avec des trucs divers. Voilà, mais on y va tout de suite. Once I went out and never came back. All of a sudden, there was a big wind and waves like mountains. Many things raced through my mind. And in the lonely chanting of the sea, I heard the echoes of eternity. And in the fantasy of cloud and sky, I saw the one who lives while all things die, and I was swallowed by the sea and lost in the deep and washed up on the shore. Like seeing the world and seeing through the world. And when I told the people in the village that I went out and never came back, they all laughed and called me the wanderer. And I laughed with them. They didn't know. They were the wanderers. And so I found my way and found my home on Eden's Island, where the wind has been telling the truth forever and ever and ever. Really need the joy. us like a land of dreams. So various, so beautiful, so new. Hath really neither joy nor love, nor certitude, nor peace, nor help for pain. Darkling plain, where ignorant armies clash by night, and we are here as on the darkling plain, where ignorant armies. Dying to are climbing breathless to see me and my love. Snow flowers growing fonder on mother's ledge above. If you've the yen to pluck, then pluck us both, for we who have lived as one wish to die as one. Thank you. what I say. I can't go on living life this way. I've tried and I've tried to make you see. You call this love or this lying, my friend. Ça commençait comme ça, notre émission, avec Eden Abbess, d'abord, qui nous faisait la mare sur Eden's Island, The Music of the Enchanted Isle. Ça date de 1960. Eden Abbess, c'est un genre de premier hippie. En fait, c'est un type qui a écrit des chansons, dont Nature Boy, pour Nat King Cole. Puis Nat King Cole la faisait en spectacle, puis c'était très, très, très populaire. Puis on décidait de l'enregistrer, fait qu'il fallait essayer de retrouver Eden Abbess. C'était facile, il vivait sous le deuxième aile de Hollywood. Alors, il vivait dehors. Il était très préoccupé par l'écologie, tout ça, déjà à la fin des années 40. The Fogs suivait avec Dover Beach. Tenderness Junction de 1967. The Fogs, on en a mis souvent, vous le savez. Alors, premier groupe de rock underground, il y a des gens qui disent ça. Il y avait Ed Sanders, Tully Kupferberg, et ensuite sont venus Peter Sandfeld est arrivé et Steve Weber, qui était dans les Holy Metal Model Renders, qui sont d'autres habitués de l'émission. Moondog, High on a Rocky Ledge. Vous savez qu'on en met souvent du Moondog parce qu'on aime ça. Sur Heart Songs de 78, un album qui est à part des autres parce qu'il y chante, entre autres, vraiment des chansons qui sont beaucoup plus pratiquement plus standard. Oui, c'est ça, plus standard. Et ensuite, on est passé à Lubomir Melnik. A Marginal Invitation sur Three Solo Pieces. Je ne le connaissais pas, Jean-Philippe non plus. C'est un pianiste canadien d'origine ukrainienne qui a une particularité de jouer extrêmement vite et de s'en servir pour faire des compositions où on ressent comme un effet de phase. Pardon, et ça donne des résultats vraiment excellents. Puis on va en remettre, c'est certain qu'on va en remettre. Alors la pièce qu'on a mis ici est une série de Three Solo Pieces. Si vous allez sur YouTube, c'est ça, je suis allé vérifier, il y en a plein. Il y en a plein de trucs de lui. Et on a terminé avec Robert Wyatt, la belle voix de Robert Wyatt qui nous faisait At Last I Am Free sur Nothing Can Stop Us. Évidemment connu comme fondateur des Soft Machine et qui a fait aussi Matching Mole, la machine molle. Il a travaillé avec tellement de monde puis fait tellement de trucs que c'est impossible à raccourcir, à résumer. Il suffit de voir comment dire, il a sorti l'album Rock Bottom qui est un immense succès, mais il travaillait avec Ivor Cotler, Fred Frith. C'était produit par Dick Mason. Alors, plein de choses. Ah, oui, c'est ça, c'était une pièce du groupe Chic. Le groupe Chic qui faisait le fric, c'est Chic. Et c'est sûr qu'il y avait de très bons trucs, d'ailleurs. Alors, vous irez voir tout ça. Ensuite, on passe aux femmes dans la musique électronique. Sad in my head plate, mate. a little grey coming through, a little down in the mouth plate, mate. Rain keeps falling, no one's calling. I tell you straight, kid, I'm in a state, kid. I've got the moojis, the dreaded bluejis. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. And it doesn't help when you watch them floating by and those little mini skirts, little pink knees winking away, wild hair lolloping about in the wind, and those mad earrings and the clown faces and that gear. They're hip-hugged and plastic-macked, they're gobbled and helmeted, booted and spurred. Thank God I can control myself. A little dream in my heart place, face. A little scene tucked away in my memory. A little girl and me went case, face. Rain kept falling, she stopped calling. Do you think she's lonely and thinks about me? I've got the moojis, the dreaded bluejis. A little girl just walked by me, see. A little smile in her eye, here we go again. A little rise in my blood rate, mate. It stopped raining, who's complaining? Goodbye, moojis, bye-bye, bluejis. Oh, excuse me, sweetheart. My friend and I are having an argument. He says you're a fashion model. I say you're a film star. And as there's a few quid in it, I wanted to... Oh, by the way, are you... Thank you. Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht. Shining slowly. Ich höre nur birds are flying. Ihren Klang. So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. Lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking to me. Your voice is moving through. Them parents so destiny, accomplish them parents so destiny, accomplish them parents so destiny, accomplish them parents so destiny, accomplish them parents so destiny, accomplish them parents so destiny. Beispiel Nummer 22. Ça continuait comme ça, les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Qu'est-ce qu'on a entendu d'abord? Food Preservation, c'est Daphné Oram sur une compilation qui s'appelle Oramix de 2010. Ce sont des trucs qui ont été faits bien avant cela. Fin des années 50, début 60. Daphné Oram est une compositrice britannique et musicienne électronique. Elle a été, en fait, une des premières personnes à produire et utiliser des sons électroniques dans des compositions en Angleterre, pionnière de la musique concrète. Puis elle a inventé un truc qui s'appelle l'Oramix, qui est une machine permettant de créer des sons électroniques en dessinant sur des bandes de films photographiques. Elle a aussi cofondé le BBC Radiophonic Workshop. C'est une figure centrale de la musique électronique. Elle a aussi été la première femme dirigeuse de studio de musique électronique, créé son studio de musique électronique personnel, puis ainsi qu'à concevoir et construire un instrument de musique électronique, enfin, etc. Puis elle a préféré aller travailler à la BBC plutôt qu'aller continuer à étudier au Royal College of Music, où elle avait déjà étudié le piano et l'orgue et la composition. C'est beaucoup de choses et la question qu'on se pose tout le temps, c'est un peu pourquoi ces travaux-là ont été faits dans l'ombre souvent, comme c'est trop souvent le cas avec ce que les femmes ont fait, surtout au début de l'électronique. Comme je disais, si vous allez sur notre blog échangeur avec un s.blogspot.com, vous allez voir une photo où on voit quatre dames avec des trucs électroniques dans les mains. Et cliquez là-dessus, puis vous aurez... vous verrez qu'est-ce qu'elles ont fait en ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Tout de suite, Delia Derbyshire et Anthony Newley nous faisaient Moogies Bloogies de 1966 sur une compilation qui s'appelle Moogies Bloogies, parue en 2014. Elles n'ont plus... pas eu le temps de niaiser beaucoup. Delia Derbyshire, elle était... musicienne, compositrice de musique concrète, musique électronique. Elle a conçu le thème de Doctor Who, qui est un des trucs les plus populaires. Elle a travaillé évidemment à la BBC. Elle a travaillé entre autres avec Sir George, mais George Martin aussi, qui s'occupait des Beatles à une certaine époque. Et elle a vraiment été à l'âge là, pendant l'âge d'or de l'atelier radiophonique de la BBC. Puis elle a fait des tonnes de trucs. Alors, allez voir sa vie. C'est ça, on peut aller sur Wikipédia et trouver d'autres trucs. Ces trucs ont été repris par plein de gens. Elle a été citée et créditée par des gens comme N2X, Aphex Twin, The Chemical Brothers. Puis elle est décédée à Northampton en 2001. Puis elle avait travaillé à ce moment-là, écrivait que ça l'avait beaucoup stimulé de travailler avec des gens comme des gens de Sonic Boom. C'est ça. Alors, une jolie carrière pour elle. Décédée quand même un peu tôt, à 64 ans. Ensuite, Laurie Spiegel nous faisait Patchwork sur The Expanded Universe de 1980. Laurie Spiegel. Elle est née à Chicago en 1945. C'est une compositrice américaine aussi. Elle a travaillé au laboratoire Bell en infographie et elle s'est fait connaître par ses compositions de musique électronique et son logiciel de composition de musique algorithmique, Music Mouse aussi. Elle joue également de la guitare usulite, au cas où. Puis elle a fait plein de trucs très drôles. Aussi pour évidemment, de la création de musique. Comme ça, elle a travaillé pour Macintosh, Arriga, Atari. Puis elle s'amuse beaucoup à voir tout ce qu'on peut faire comme possibilité, tout ce qui peut être amené à être automatisé. Pour elle, ça lui permet de réfléchir à autre chose, de penser à ce qui fait vraiment que la musique est humaine. Par exemple, Harmonixus Mundi, c'est sa musique qui voyage avec la sonde Voyager sur le Voyager Golden Record. Et Jean-Philippe me dit qu'il est sorti de notre système solaire récemment. Alors, une autre qui a eu une carrière, et qui a encore une carrière bien remplie, Suzanne Ciani, Princess with Orange Feet. C'est un extrait sur L'Exiviation Musica Inc. 69-85. Elle aussi, beaucoup de choses. Et, entre autres, à part de faire de la musique, c'est une spécialiste de création de sons. Entre autres, le son de décapsulage d'une bouteille de Coca-Cola. Elle a aussi le logo sonore d'Energizer, de la chaîne ABC. Alors, elle est demandée absolument partout parce que c'est vraiment une grande spécialiste des sons. C'est ce que je dis, je suis impressionné toujours de voir à quel point il y a des gens comme ça que je connais pas et qui ont des carrières incroyables. Elodie Lawton nous faisait Overture sur The Death of Don Juan de 1985. Oui, elle, c'est une Française au départ qui s'appelait Geneviève Checroun. Son père a changé de nom pour s'appeler Harold Parker. Il s'appelait Raphaël Checroun. Et elle a fait toutes sortes de choses aussi dans le domaine de musique plus minimaliste. Ouais, même très minimaliste, mais dans toutes sortes de styles. Puis elle a écrit des trucs, un opéra avec des poèmes d'Allen Ginsberg aussi. Et on a terminé avec Laurie Anderson sur Example 22 sur Big Science. Évidemment, plus besoin de la présenter, Laurie Anderson, mais ça vaut la peine d'aller relire un peu sa bio juste pour voir à quel point elle a fait une tonne de trucs. Alors ça, c'était sur Big Science de 1982, sans doute le truc le plus connu d'elle, mais elle est vraiment dans le multimédia constamment et fait des trucs très intéressants. Ensuite, on s'en va du côté de Audace et Flavien Berger, etc. Thank you. Ben c'est déjà tout pour les échangeurs d'air. Évidemment, il y aura l'émission Terre et Vague. Benoît n'est pas là, mais c'est Alex de l'Agression par le son qui est là pour faire sa mise en onde. Et l'Agression par le son aujourd'hui du métal québécois. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a eu lors du dernier bloc? Menteur du périphérique, c'est le groupe Audace, sur Audace 2015. C'est les informations qu'on a. On a cherché un peu, puis il y a un groupe japonais qui s'appelle Audace aussi, puis c'est pas eux. Voilà. Ça semble pas, parce que c'était électronique, puis l'autre, le groupe japonais, ben c'est clarinette accordéon. Alors, il y a peu de chance que ça soit ça. Flavien Berger, oui, nous faisait 8-8-8-8-8-8-8 sur Léviathan de 2015. Lui, on a des informations sur lui. Ça fait peu de temps qu'il est dans le domaine de la musique. Il a 32 ans. Il est actif depuis 2014. Et il a découvert la composition musicale avec sa PlayStation 2. Un truc qui s'appelle Musique 2000. C'est ça. Puis il a participé au collectif SIN, pour lequel il est allé s'installer à Bruxelles. Eux, ils font des installations, des projets vidéo. Et c'est Flavien Berger qui fait les bandes originales. Alors, il y a trois albums, Contrebande, Léviathan et Contretemps, qui est le plus récent de 2018. Qu'est-ce qu'on a eu? Stereolab des étoiles électroniques sur Mars Odiac Quintet de 1994. Stereolab, ben là, on se retrouve avec, voilà, ici, avec Tim Gain, guitare, clavier. Bon, évidemment, c'est un duo au départ franco-britannique avec Laetitia Sadier, chant, clavier, guitare, trombone. Ils écrivent, chantent en français, en anglais. Puis ils ont été rejoints en 92 par Mary Hansen et en 93 par Andy Ramsey à la batterie. Puis c'est la formation qui a cessé de faire des trucs depuis un certain temps. Mais peut-être que ça va revenir. Ils annonçaient une tournée pour retour sur scène pour 2019. Nous verrons. Ça fait quand même... en 2009, ils ont arrêté normalement pour dire qu'ils prenaient un peu de repos. Ça fait 10 ans de ça. Alors peut-être que le repos est fini et qu'ils sont bien reposés. Étienne Jomet nous faisait Nuclear War sur 8 regards obliques de 2018. Étienne Jomet, plutôt actif parce qu'il est dans le groupe Zombie, aussi de Myriad Monk. C'est un saxophoniste, il fait du synthétiseur aussi, il chante. Puis il est dans un autre groupe aussi, Herman Doom aussi, puis il mène une carrière solo. Il travaille avec plein de gens. Un peu partout. Ah oui, puis Nuclear War, je me dis Jean-Philippe, c'est une pièce originale de Sonra, qui est un autre habitué de l'émission. Et nous avons terminé avec Forever Pavo, les Cigognes Nénuphars sur Rhapsode de 2014. Vous irez voir, je pense que peut-être que les liens se trouvent, alors vous irez voir, il y a un petit bout de vidéo fait par notre ami qui s'appelle, excusez-moi, Émile Sornin, qui est aussi dans Aquaserge. Et c'est comme ça que se terminait notre émission. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Vous le savez, il me reste à vous dire tout simplement à la semaine prochaine.